Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez le Rastafari ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, sur la ligne Maginot de ma nuit, j'étais presque impuissant. Et dans l'obscurité, je n'avais plus rien pour m'occuper. Mais bon, une fois le petit déjeuner débarqué, j'ai retrouvé toute ma résistance et j'ai bien fêté ma libération. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 36 est un peu comme un chapeau en forme de cloche. En forme de cloche ? Foutre Dieu ! Mais qui donc est ce spécialiste de la cloche ? C'est-il Boudu sauvé des eaux ? Arrêtez, c'est moi qui vais avoir le bourdon. Allez, vous allez choper la première brique. Attention, c'est parti, écoutez bien. Reggae. Reggae ? Le reggae ? Le mi-radieux, le fa jovial, le sol hilar, le la espiègle, le si content et le do badin ? Très bien, je note vos gamineries et je vous envoie la deuxième brique. Allez, concentrez-vous. Jamaïque. Jamaïque ? Ah, il y a comme un hic ici. Donc envoyez-moi la troisième brique, hic et nunc. Eh bien justement, ici et maintenant, arrive la troisième brique, Wellers. Ah, ok doc, le Bob de la Jamaïque, qui chante le reggae avec ses Wellers, c'est évidemment le merveilleux Bob Marley. Formidable dossier, professeur Mauduit. Alors allons-y, étudions le cas de ce Rasta Rastafari. Maniez vos trains, les reggae-men, et apportez au labo le dossier de monsieur Marley. Allez Bob, à table. Ce boulot, eh ben, je dirais que c'est le top. C'est cool, man. C'est toujours le jour, ce boulot, tu vois. Rien qu'aujourd'hui, je fume genre 10 joints, puis ensuite... Ah, ton travail est génial, et puis il est très relax. T'as juste à fumer toute la journée. Moi, j'adorerais ça. T'as raison, c'est génial. Hein ? Cool, man. Ah, ok, man. Merci encore. Ah, salut, ok, man. Mon ami. C'est cool. Ah, c'est cool, ouais. Nesta Robert Marley, dit Bob. Bon, évidemment... Certains confrères peu scrupuleux seraient immédiatement tentés, monsieur Marley, de classer votre dossier psychologique sous une étiquette peu flatteuse et qui pourrait se résumer ainsi « Rastafourien et musico-drogué », avec en prime une thérapie aussitôt recommandée « violence électrochoc ». Cela dit, heureusement pour vous, Bob, le ministère psychique appréhende les choses différemment. Et sans plus attendre, découvrons attentivement la première intervention clinique du professeur Mauduit qui va nous préciser immédiatement ce qui nous turlupine réellement au cœur de votre structure mentale. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tourne boule avant tout dans notre dossier ce matin, ce sont les antagonismes psychiques de notre patient. Car bien entendu, aux yeux du monde, Bob Marley est une âme pacifiste, non violente. Il est même le héros de la cool attitude. Et pourtant, il faut savoir qu'il fut aussi un véritable guerrier. Je pense que des artistes immortels comme Bob Marley touchaient l'âme de son peuple. C'était des combattants, des gens qui se battaient pour une cause. Ils avaient un but, c'est-à-dire se sont oubliés eux-mêmes pour défendre un but qui est la cause des déshérités et des oppressés. À travers leurs ouvrages et leurs œuvres, il y a toujours un thème. Et ce thème, c'est pour la paix, c'est pour la liberté, c'est pour l'égalité. Comme James Brown, comme Fela, Bob Marley était de cela. Voilà pourquoi ils resteront toujours immortels. Ainsi donc, selon Sotigui Kouyaté, vous seriez immortel, monsieur Marley. Et pourtant, Schopenhauer nous a enseigné qu'exiger l'immortalité de l'individu, c'est vouloir perpétuer une erreur à l'infini. Du coup, nous avons maintenant 53 minutes pour évaluer votre degré d'imperfection et pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre chevelu mystique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre icône jamaïcaine par l'une de ses plus récentes rengaines. Lion, Zion, c'était Bob Marley pour un titre posthume, sorti d'Outre-Tombe en 1992. La première star de ce qu'on pourrait appeler le tiers-monde musical qui a contribué à sortir le reggae, musique d'origine jamaïcaine, des ghettos de Kingston. Il était le porte-parole des opprimés du tiers-monde. Il avait réussi à atteindre des millions de personnes avec cette musique issue du calypso et du blues, le reggae. En Europe, avec le mouvement punk, le reggae a redonné un second souffle à ce qu'on appelait le mouvement du rock'n'roll qui avait tendance à se scléroser. Bob Marley était né à Kingston en 1945 et il est mort d'un cancer généralisé. Avant tout, le ministère psychique remercie avec exaltation notre éminent confrère, le professeur Yves Mourouzi, pour son intervention en guise d'introduction à notre patient du jour, un cas psychique complexe, puisque ce matin, notre ministère reçoit, venu tout droit de la Jamaïque, le toujours très présent Bob Marley. Sur la côte nord de la Jamaïque, le 6 février 1945, naît le petit Nesta Robert Marley, fils d'une mère jamaïcaine noire et d'un père anglais blanc. un père plutôt absent que le jeune Bob Marley voit peu. Bob grandit dans les ghettos de Kingston, une sacrée école de la vie où il découvre la culture Rasta, ce mouvement culturel et religieux de la Jamaïque qui prédisait l'avènement d'un roi noir en Afrique. Mais le Rasta, ce n'est pas que ça. C'était l'élite pensante. C'est-à-dire que les Rastas, c'était les seuls qui, à cette époque-là, osaient poser certaines questions. Ils étaient extrêmement instruits. Pour la plupart, c'était des gens qui avaient voyagé, donc qui connaissaient le monde. C'était des gens qui avaient voyagé dans des conditions difficiles et à travers le monde entier, et donc qui comprenaient ce qui se passait. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient très, très sûrs d'eux. Et ce n'est pas seulement de la foi, c'est le savoir. Ils savaient qu'ils avaient raison, parce qu'ils savaient comment ça se passait ailleurs. Et ils savaient la valeur qu'ils avaient. Si tous ces hommes politiques à la télé voulaient m'écouter un jour, je leur dirais, c'est du reggae qu'il faut dans vos discours. Oh, c'est le reggae, c'est le reggae, c'est le reggae, c'est le reggae. Je vous le dis, c'est le reggae. Et le reggae, c'est la voix musicale que prend Bob Marley au cœur du ghetto de Kingston, mais aussi des States, où il travaille en 1966 dans une usine Chrysler, tout en continuant à créer des chansons. Sauf que le succès n'est pas au rendez-vous, mais Bob et ses Wailers persévèrent sans dénaturer leur culture rastafari, qui étonne tout de même un peu ceux qui les découvrent. Cette chevelure, qu'est-ce que c'est au juste ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il ne la coupe jamais. Et alors, elle s'allonge et il la tresse. Mais c'est comme du feutre, ça devient du feutre. Et avec le soleil, oui, à cause de l'eau, ça se décolore. Alors, il y a des reflets roux. Mais vraiment, on sent que c'est compact, que c'est vraiment comme de la fourrure, quoi, absolument comme du feutre, épais. C'est tout à fait curieux à considérer. Mais en ville, c'est tout à fait, c'est un peu encombrant dans les bureaux, et puis ça fait un peu pas agressif, mais ça fait provocant. Donc il couvre toute cette chevelure dans des grands bonnets. Couleur rasta d'ailleurs, vert, jaune et rouge. Alors ils mettent leur chevelure dans ce grand bonnet et ils le cachent, ou des grandes casquettes. Et avec sa coiffure rasta, dans son grand bonnet couleur rasta, Bob Marley connaît enfin son premier vrai succès mondial. Ce fut en 1975, avec une ritournelle belle à pleurer. C'est dommage de pleurer comme ça. Je suis sûr que tu es très malheureuse. Mais quand même, je ne sais pas si j'ai raison, il me semble que pleurer, ça fait un petit plaisir. Ouais. Non, c'est pas vrai. Réfléchis bien à ce que tu sens au fond de toi. Tu pleures, tu es très malheureux. Mais tout en pleurant, tu sens un petit plaisir. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, ça fait un petit plaisir. No Woman, No Cry, c'est le premier grand succès de Bob Marley qui conquiert peu à peu le monde entier, tant par le rythme de sa musique que par le message qu'elle véhicule. La paix, l'amour et la ganja attitude. Pourtant, la vie de Bob Marley n'est pas uniquement faite de peace and love, comme par exemple ce 3 décembre 1976. Bob Marley est alors victime d'un attentat juste avant un concert pour la paix. Il est touché par plusieurs balles. On devrait être mort, mon pote. Ouais, on a eu du bol. Non, ça n'a rien à voir avec le bol. Non, peut-être pas. Ça, c'est une intervention divine. Le bon Dieu aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. On a vécu un truc miraculeux, et moi, je demande que tu le reconnaisses. D'accord, c'est miraculeux. Alors, on s'en va ? Oui, c'est miraculeux. Bob Marley est blessé par 7 balles lors de cet attentat, mais le surlendemain, il trouve la force de participer au concert pour la paix. Bob Marley est alors en pleine gloire. Plus qu'un chanteur, il est devenu une figure majeure, en Jamaïque, bien sûr, dont il est l'enfant chéri, mais pour la jeunesse du monde entier qui rêve d'un monde meilleur. Et oui, pour beaucoup, écouter Bob Marley, c'est adhérer à une certaine perception de la vie. Et dans les 70s, vous ne pouviez pas voir le monde de la même manière si vous étiez punk, si vous étiez disco ou si vous dansiez le reggae. Vous avez dansé le reggae ? Bah, reggae, dis, parle pas de reggae, hein, parce que moi je suis reggae. Hein. Bob Marley, je suis une fan, moi, de Bob Marley. J'ai tous ces disques extraordinaires. Il faut danser reggae dans la pagaille baguette. Mais au début des années 80, il faut danser reggae et danser vite, parce que le cancer progresse dans le corps de Bob Marley, qui meurt le 11 mai 1981. C'est à la Jamaïque, sa terre natale, que le chanteur Bob Marley sera enterré. Bob Marley est mort hier à Miami, victime d'une tumeur au cerveau. Il n'avait que 36 ans, mais son génie musical en avait fait une légende. On disait de lui qu'il était la première superstar du tiers-monde, et ceux qui avaient assisté l'an dernier à son délirant concert du Bourget ne le démentiront pas. Bob Marley, un très grand de la musique contemporaine. Écoutez ce qu'en dit le chanteur Bernard Lavillier, qui a enregistré à plusieurs reprises avec les musiciens de Bob Marley, qui a vécu chez lui et qui répond aux questions d'Isabelle Monrosier. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à Nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. Kingston, Kingston, quand le soleil descend. Marley, c'était un mec du ghetto parce qu'il avait toujours ses potes dans le ghetto, jouait toujours au football avec eux, et puis c'était comme ça, je veux dire, il vivait pas comme une star. Hein. Faut bien se dire ça, sa maison était ouverte à tous. D'être populaire, c'est vraiment important. Et lui, il était, et de la bonne façon. Bob Marley était populaire et de la bonne façon. D'ailleurs, aujourd'hui encore, en poster dans les chambres d'ados, en photo sur les t-shirts des quadras ou gravé sur les pipes à ganja dans les maisons de retraite, on voit partout le visage de Bob Marley, une omniprésence non présidentielle, mais qui demeure évidemment une menace pour notre société. Cela dit, pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir son dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous voici ce matin face à Robert, ce bon vieux Bob Marley, le pape du reggae. Cette musique venue des îles et dont Paul McCartney disait que c'était du rock à l'envers. Expression cartnésienne plutôt intéressante, car justement, le monde du reggae fut à l'envers ce terrible 11 mai 1981, quand Bob Marley est mort. Ce jour-là, un peu partout dans le monde, une sombre nuit a envahi le cœur des Rastas, telle une terrible reggae night, sous les brumes obscures de la fumée un peu plus épaisse des cônes de cannabis, car l'icône était morte. Et pourtant, si la Jamaïque était en pleurs en ce 11 mai 1981, la mort de Bob Marley est passée quelque peu inaperçue chez nous en France, car le reggaeman a eu l'idée saugrenue et bien peu médiatique de disparaître le jour où tous les journaux titraient sur la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle la veille. Mourir le lendemain de l'élection du premier socialiste à la présidence de la République, c'est une grosse maladresse qui nous prouve une fois encore qu'il est impératif de bien choisir le jour de sa mort afin de ne pas partir dans l'indifférence. Jean Cocteau en avait déjà fait les frais le 11 octobre 1963 quand il fit son œdème au poumon quelques heures après le décès d'Edith Piaf. Impossible d'espérer dès lors faire la une des journaux face à une telle concurrence. De même, Guillaume Apollinaire a eu cette malencontreuse idée de ne pas mourir au bon moment. Le poète, grippé espagnol, la mode n'était pas au port, pouvait espérer attirer les foules à ses funérailles, mais c'était sans compter sur une négligence de calendrier. En mourant le 9 novembre 1918, juste avant l'armistice, donc, la foule en liesse autour du corbillard criait « Abba Guillaume !» non pas Guillaume Apollinaire, mais Guillaume II, bien sûr, l'empereur d'Allemagne, tout juste vaincu et déchu. Voilà, Apollinaire est mort au moment de l'armistice de 1918. Bob Marley est mort la veille de l'élection de François Mitterrand en mai 1981. De grosses maladresses médiatiques, car comme le dirait chaque reggae man et chaque reggae woman no cry de Kingston en Jamaïque, ce n'est pas facile de pleurer quand l'heure est gaie. Excellent, professeur Bauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Chanteur quasi-politique, venu de Jamaïque, mais même pas foutu de faire l'apologie de la thune et du pouvoir. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les sources d'influences idéologiques chez notre patient, Monsieur Bob Marley, le démiurge du reggae, y compris français. T'es plus jolie que jamais, sauf ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Toutes ses bontés passées, ses exploits, il compte comme un huissier. On lui doit, même s'il n'a plus la chaleur que j'aimais. T'es plus jolie que jamais, sauf ton cœur. La nuit que je t'ai connue, t'étais nue. Tu jouais les affranchis, sans chichi. Mais t'avais quand tu guettais, le pauvre con qui te quittait. Le regard noyé d'un chien, ça va, ça vient. J'ai dit pour te consoler, des conneries. T'as frotté ton petit nez et ta franchi, sans chichi. La nuit que je t'ai connu, t'étais nu. T'aimais pas un sou vaillant, sauf ton corps. Et ton corps c'était payant. Un trésor que tu donnais, comme on vide son porte-monnaie, dans la main d'un plus paumé. Ça va, ça vient. Depuis tout ce qu'on s'est donné, le bonheur, pour se le dire on se retenait. La pudeur, mais ton corps c'était payant. T'aimais pas un sou vaillant, sauf ton corps. T'es plus jolie que jamais, sauf ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics. Il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Si tu laisses réchapper du frigo, je saurai le rattraper. Même s'il n'a plus la chaleur que j'aimais. Jamais, sauf ton cœur. Ça va, ça vient. C'est ce que ressent ici ce matin Bob Merlot, le Rasta bordelais, bien sûr, mais qui n'a rien à voir avec Bob Morley, le Rasta breton. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les grandes étapes existentielles qui ont façonné la structure mentale de notre patient aux dreadlocks, il est temps désormais, me semble-t-il, de concentrer un peu plus notre analyse sur l'idéologie qu'a véhiculée Bob Marley à travers sa musique. Avant tout, sache que notre gamin du ghetto de Kingston vénérait avec véhémence un certain Marcus Garvey. Certes, mais qui est donc Marcus Garvey ? Eh bien, Bob Marley le considérait tout simplement comme un prophète. Né en Jamaïque en 1887, Marcus Garvey fut un fervent activiste politique et il fut même le héros de l'union des blacks du monde entier, notamment à travers son journal The Negro World. Et dans les années 1910, époque où l'Europe vampirisait allègrement l'Afrique, ce leader noir jamaïcain publia de nombreux écrits pour œuvrer à la libération de son peuple. Je suis noir. Je ne m'excuse pas d'être noir. Mon Dieu m'a créé tel que je suis, et tel que je suis, je me présenterai devant lui. Marcus Garvey. Nous sommes les descendants d'un peuple qui souffre. Nous sommes les descendants d'un peuple déterminé à ne plus souffrir. Marcus Garvey. voulons une place dans le monde, non pour déranger la tranquillité des autres, mais pour poser notre fardeau et nous reposer sur les rives du Niger et chanter nos chansons à la gloire du dieu d'Éthiopie. Marcus Garvey. Dans un monde de loups, nul ne doit marcher sans armes. Et l'arme défensive la plus puissante qui soit à la portée des Noirs, c'est l'affirmation de leur race dans toutes les parties du monde. Marcus Garvey. Évidemment, la vision raciale de Marcus Garvey fut à juste titre critiquée. Mais le jeune Bob Marley fut avant tout séduit par l'idéologie totalement légitime de l'émancipation du peuple noir. Ce fut là, sans aucun doute, son premier mentor. Ensuite, c'est à l'âge de 21 ans que Bob Marley s'intéressa réellement à la philosophie du Rastafari. Un curieux mouvement religieux jamaïcain, impulsé là encore par Marcus Garvey, et qui considérait l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, comme la réincarnation du Christ sur Terre, dis donc. Rien que ça. Toujours est-il qu'avant de mourir, le Négus, comme on l'appelait en Éthiopie, transmit à Bob Marley une vision du monde pour le moins manichéenne. Bientôt, je vais reposer. Oui, un éternel sommeil. Je l'ai mérité. Le crépuscule m'envahit. Et bientôt, la nuit va tomber. Ainsi vont les choses. Ainsi va la force. Mais il faut encore que tu m'aides. Je suis revenu pour terminer ma formation. De formation, tu n'as plus besoin. Ce qu'il te faut savoir, déjà, tu le sais. Alors je suis un Jedi. Mais prends garde à la colère, la peur, l'agression. Elle forme le côté obscur. Une fois que tu t'engages sur le chemin du côté obscur, à jamais il dominera ton destin. Ainsi, il ne faut jamais oublier que Bob Marley fut avant tout l'incarnation du chevalier Rastafari. Et il devint alors le vecteur planétaire d'un syncrétisme qui défendait à la fois la cause du peuple noir, mais qui préférait le chemin de la paix et de l'amour à celui des forces du mal. Résultat, Bob Marley s'est construite une stature mondiale très particulière. Je dirais peut-être qu'il est la seule vedette issue du tiers-monde. Bon, il y a d'autres personnes issues des pays très pauvres, des conditions très pauvres, qui ont fait beaucoup de chemin. Mais Bob Marley, il est connu au fin fond de n'importe quel pays. J'ai lu quelque part dans les années 60 que les deux personnes le mieux connues au monde, dans un petit village chinois par exemple, ça serait John Kennedy et Muhammad Ali, le boxeur. Mm-hmm. Alors maintenant, j'ajouterais à ça probablement Michael Jackson, peut-être, et surtout Bob Marley, parce qu'il représente quelque chose pour beaucoup de gens. Il avait quelque chose à dire, ce qui est très important. À la différence de peut-être quelqu'un comme Elvis Presley, par exemple, qui est également sorti un peu des bas-fonds, mais qui était en fin de compte un entertainer. Il était là pour vous divertir. Mais Bob Marley, il avait des messages à donner, qu'il a transmis très très clairement. Et ces messages concernaient tout le monde, pas que les pauvres, pas que les noirs, etc. Et je me trouvais un peu pris là-dedans. Je croyais en sa sincérité, ce qui est assez rare dans la musique, disons, pop. Alors, bien entendu, aux yeux du ministère psychique, la musique pop de Bob Marley s'inscrit tout naturellement dans une démarche artistique et festive, mais elle est également et surtout éminemment politique. Au fil du temps, notre patient est ainsi devenu le mégaphone zen mais déterminé des peuples opprimés. Et ça, franchement, il n'est pas inutile parfois de le rappeler à la jeunesse du monde civilisé. Bob Marley. Qui ? Le chanteur. Damien ? Son père. Non. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. No, no. Ah, ça, c'est inacceptable. Quoi ? Le meilleur album de tous les temps. Vous reconnaissez pas ça ? Wow. Il avait un credo, c'était presque un concept de virologiste. Il pensait qu'on pouvait guérir le racisme et la haine, vraiment les guérir, à force d'injecter de la musique et de l'amour dans l'existence des gens. Un jour, il devait participer à un concert pour la paix. Des types armés sont venus chez lui et lui ont tiré dessus. Le surlendemain, il est monté sur la scène et il a chanté. Quelqu'un lui a demandé « Pourquoi ?» Il a dit « Les gens qui essaient de rendre le monde plus mauvais ne prennent jamais de jour de congé. Comment le pourrais-je ?» Eh oui, même pendant les week-ends prolongés du mois de mai, Bob Marley bossait bien loin de cette image de rastafourien que les brigades de la morale de papa adorent encore aujourd'hui lui coller sur le dos. Enfin bref, revenons à cette genèse de l'idéologie rastafari qui s'est installée au cœur de la psyché de Bob Marley. Ainsi, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, dans quelles conditions précisément la culture du Rasta est venue percuter l'existence de notre patient. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression autour des obsessions phobiques de Bob Marley. L'interne, pointez-vous au labo. Allez, hop, démonstration. That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Yeah, Phil. Yeah, Xav. Professeur, pardon. Le fada rasta du jour serait donc le chanteur Bob Marley. Eh bien, sachez que pour ce dossier, j'ai essuyé toute la biographie du chanteur. Et si Bob Marley était réputé pour aller doucement le matin et pas trop vite l'après-midi, il a dû faire preuve de dynamisme avant de faire carrière dans le reggae. Juste après son mariage en 1966, Bob part pour les États-Unis, à Wilmington, dans le Delaware. Pour pouvoir monter sa propre maison de disques chez lui à Kingston, il nettoie les sols dans un hôtel, puis travaille de nuit dans les usines Chrysler. C'est en effet à l'hôtel Dupont que Bob entama sa carrière d'homme de ménage. Et c'est dans ce même palace que Bob rencontra pour la première fois le roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Une rencontre fortuite qui sera pour Robert Nesta une révélation tant sur le point spirituel que professionnel. Vous m'avez fait demander, monsieur ? Ah oui ! Alors, une ampoule grillée, on voit plus rien dans ce couloir, et pour corser le tout, une fuite d'eau ! De l'eau, au milieu d'une grande étendue sèche. Ça s'appelle comment, ça ? Un point d'eau ? Justement, vous allez effrayer les grands fauves qui viennent s'y désaltérer, et en plus, vous allez vous faire repérer. Monsieur n'a jamais entendu parler du crépuscule où les grands fauves viennent se désaltérer en profitant de l'ombre propice. C'est ça ! Et voilà qu'à peine converti au Rastafari, Bob voit des lions partout. Mais si la religion est sa nouvelle vocation, il n'oublie pas d'entretenir un autre culte, celui de l'hygiène, prêt à intervenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour répondre à toute urgence sanitaire. Comme ce fut le cas en 1967, lorsqu'un certain Monsieur Cliff, Jimmy de son prénom, fit appel à Bob. C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Et 9 minutes 37 secondes plus tard... Jimmy, c'est chez vous ici ? Tout à fait. Je résous les problèmes. Ah bah ça tombe bien. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. Votre femme Bonnie doit rentrer à 10h moins le quart. Je crois comprendre qu'il faudrait pas qu'elle nous trouve ici en rentrant. Et ce, pour éviter qu'il y ait du grabuge. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je vois que la maison est bien tenue. J'en conclue dans le garage ou alors sous l'évier, il y a de la poudre à récurer, des détergents. Oui, il y a tout ça sous l'évier. Bien. Alors vous deux, vous allez me prendre tous ces produits et me nettoyer l'intérieur de la voiture. Vous me faites ça vite, vite, vite. Grâce à une telle efficacité, c'est net. Robert va connaître un vrai succès. D'où sa devise, savonne, sablonne, ramonne. Mais la célébrité, c'est un peu comme un mauvais détergent. Ça fait briller, mais la crasse est toujours là. Comme en témoignait ce fameux client devenu ami, Jimmy Cliff. Car voyez-vous, je l'ai très bien connu propre. Toujours brillant, hein. Il a eu une ascension fulgurante. La télévision ne jurait que par lui. Monsieur propre, nouveau super brillant. Hélas, les lampiades de la gloire ont ébloui le malheureux. Et très vite, ce fut la longue descente aux enfers. Hein, les soirées, fraîcheurs, cascades, les bars à mousse. La course aux anabolisants pour rester le meilleur. Mais à la suite de toute cette déchéance, Bob décida de faire acte de rédemption, en se tournant vers son dieu, Jah, et en se lavant de tout péché à base d'eau bénite, l'eau de Javel. Robert prêcha ainsi la bonne parole et surallia moult fidèles qui virent en lui le nouveau messie de l'asepsie. Hourra pour Bob l'éponge! Hourra pour Bob l'éponge! Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette curieuse divagation qui nous confirme tout de même ce matin que Bob fut une véritable éponge de la philosophie Rasta. Juste un dernier mot pour clore notre analyse biscornue de cette religion jamaïcaine. N'oublions jamais l'influence de ces authentiques racines chrétiennes qui vantent bien entendu l'amour sincère de son prochain, mais surtout de sa prochaine. Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein ? Toi qui n'as pas connu Lola Rastaquer, je lui faisais le plein comme au Latécoère qui décolle en vibrant vers les cieux africains. Elle avait de ses yeux un vrai chat abyssin et ses seins deux sphères entre lesquelles j'abandonnais 2 mois de salaire pour y rouler mon pauvre joint. Quand dans son sexe cyclopéen j'enfonçais mon pieu tel l'Ulysse d'Homère, je l'avais raide plutôt amère, c'est moi, grand Dieu, qui n'y voyais plus rien. Dans la moiteur torride de sa croupe des reins, on pouvait voir éclore des renoncules par derrière, et par devant, un conifère me rappelait un air jamaïcain. Bien. Alors, après avoir entendu à l'instant la voix du formidable Maurice Garrel réciter a cappella le texte d'une chanson jamaïcaine et coquine de Serge Gainsbourg, Lola Rastaquer, il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste justement dans la foulée à repérer les influences contemporaines de la psyché de notre patient dans notre société pourtant de moins en moins cool attitude. Et avant tout, comme d'habitude, puisque c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les reliquats de notre belliqueux Rasta au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange qui puise son inspiration dans la mer des Caraïbes et que nous avons intitulée ce matin « Songe de la Guadeloupe Rédemption ». L'expert jungien, pointez-vous au labo, analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Ce qui m'intéresse, c'est de rectifier cette magistrale erreur qui est la pierre sur laquelle est bâtie votre église. Voyons ça. Qu'est-ce que vous croyez ? Jésus est un black ! J'y crois pas. Il faut savoir que Bob Marley n'est pas seulement ce chanteur de reggae avec des chansons, des mélodies subtiles et ces rythmes lascifs sur lesquels les gens de l'Occident dansent. Il est aussi un héros des communautés noires. Je suis un révolutionnaire qui ne reçoit ni aide ni pot de vin et lutte avec la musique pour seule arme. Barricades sur les routes, stations-service fermées, la vie est trop chère et il souffle comme un vent de révolte sur l'île de la Guadeloupe. On ne peut pas permettre que toutes ces zones se développent avec la défiscalisation, avec des aides de l'État, et qu'en contrepartie, cette zone à 80% soit exclusivement réservée à des emplois qui se partagent entre familles, soit famille Becquet, soit famille métropolitaine. Ces chansons supportent un discours sociopolitique et religieux qui touche directement les gens du ghetto et les déshérités. Le message, c'est ce qui compte. Mais ceux qui ont bâti leur foi sur ce message devraient aimer les Blacks. Ce ne sont pas du tout des propos racistes, ce sont des propos qui reflètent la réalité sociale, économique, culturelle et historique et sociologique de la Guadeloupe. Guadeloupe, Martinique, qu'est-ce qui coince aujourd'hui ? La grande difficulté chez nous, c'est que la classe est cachée par la race parfois, et ça sert même de prétexte. Quand il chante des chansons comme Get Up, Stand Up, où il dit en substance... Hey, levez-vous, tenez bon pour défendre vos droits. So that is the militancy that the Wailers had. Les Wailers avaient cet engagement militant, c'est-à-dire que contre vents et marées, il fallait continuer et porter ce message, brandir l'étendard. Still going, the flag has got to be hoisted. On ramène celui qui était le noir à une fonction de victime, de descendant d'esclaves, alors que c'est le descendant, au contraire, d'une résistance, autrement dit, c'est un vainqueur qui a été au-delà, y compris des assignations de couleur et de race. Mais si on essaie de vous dire que ce truc délire, c'est un Black qui l'a dit, vous flippez. Eh oui, pour les Rastas, Jésus est déjà revenu sur Terre sous les traits africains d'un empereur éthiopien, un Christ Black. Et imagine la tronche de la curie vaticane. D'autant plus que les nouveaux apôtres de ce Christ noir réincarné ont carrément renoncé à la tonsure, préférant suivre le vœu de Jésus qui désirait que les hommes ne se coupent ni les cheveux ni la barbe, d'où les dreadlocks. D'ailleurs, sur son crucifix, le Fils de Dieu ressemble bien plus à Bob Marley qu'à Benoît XVI. Ensuite, pour ce qui est de la méditation, sache également que les Rastas recommandent d'agrémenter la prière de quelques herbes. La ganja, littéralement l'herbe de la sagesse, qui aurait poussé, paraît-il, pour la première fois, sur la tombe du roi Salomon, l'ancêtre biblique d'Haïlé Sélassié. Et à ce propos, Bob Marley militait avec ferveur en faveur de la légalisation de la ganja. Un vieux débat politique qui, là encore, demeure au cœur de notre société contemporaine. Nous sommes en compagnie de Noël Mamère, chez lui, dans son salon. Monsieur Mamère, vous êtes devenu plus offensif en cette fin de campagne. Est-ce pour vous démarquer ? Écoutez, j'ai des idées, je les ai exposées. Est-ce agressif de dire ce que l'on croit juste ? Oui, c'est bien. Denis, demande-y pour le cannabis, la légalisation, c'est une putain de bonne idée, ça. Non, Michel, c'est pas votre interview, c'est Denis qui pose les questions. Ça va, ça intéresse les gens de savoir pour la légalisation. Laissez faire, Denis. Denis, demande à celui-là, là. Où ça ? Là, l'épave, là. Je suis Spunky Man, directeur de campagne de Noël Man. J'aimerais qu'on revienne sur les questions nucléaires. Monsieur Mamère, revenons, si vous le voulez bien, aux questions nucléaires. Vas-y, t'endors pas dessus, fais tourner. Ouais, putain, c'est de la beuh de ouf, ça. Ah, putain, ils savent vivre, les mecs. Vous faites quoi, là, Michel ? Michel ? Je teste le programme de ma mère. Allez-y, vous pouvez voter pour lui, c'est du tout bon, le mec. Non, Michel, vous faites quoi exactement ? Vous fumez pas de la drogue douce, là ? Tu rigoles, c'est interdit. Oui, en France, fumer du cannabis demeure encore aujourd'hui interdit, au grand désespoir des Rastas qui, comme Bob Marley, considéraient la ganja comme une plante naturelle offerte aux hommes par le créateur divin. Cela dit, il est assez facile de taxer les forces de gauche de laxisme et de débauche morale quant à la légalisation du cannabis. Car franchement, à droite de notre échiquier politique, certes, les forces conservatrices s'insurgent régulièrement contre la consommation de drogue douce, mais en réalité, quand on y regarde de plus près, parfois on peut se demander si certains projets n'ont pas été pensés sous l'influence de la ganja du Rasta jamaïcain. On revient en France avec du Rififi en Auvergne. Valérie Giscard d'Estaing veut y mettre en place un centre européen du volcanisme qui porte le nom de Vulcania. T'as du papier ? T'as du tosma ? Bataille très politique, bataille sur un volcan. Allez putain, bande d'enfoirés, lancez la caméra ! Vulcania sera situé au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Les écologistes craignent que l'afflux des visiteurs dégrade l'environnement de cette zone fragile. Ça marche pas, je dois pas être assez défoncé. L'Auvergne s'est ainsi dotée d'une attraction touristique contestée par certains écologistes en son temps, mais qui finalement voit le jour. Oh, ça c'est de la ganja. Putain de ganja. C'est de la gorille, mon pote. Oh, la vache. T'exploses la tronche, grave. Chers enfants d'Auvergne, vous allez commencer votre descente vers le centre de la Terre. Et ouvrez à deux battants les portes de Vulcania. Tout ce que je veux, c'est bosser dans le domaine des plantes, avoir un vrai labo et à l'occasion, taper quelques gonzesses. Pour un projet de ce type, il fallait qu'il soit dans un milieu volcanique. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait du stick que je t'ai passé tout à l'heure là? Il t'en reste un peu que je... Dans la visite, pour les gens, le fait qu'ils soient dans un environnement volcanique, c'est-à-dire qu'ils voient en grandeur nature l'ensemble de la chaîne des puits, les volcans, c'est un élément qui paraît très important. T'as prévu des sacs à vomi pour tout le monde, j'espère. Vulcania espère en effet accueillir plus de 500 000 visiteurs dès la première année. Si, allume le shit, fume le shit, passe à ton voisin. Yo, faut que tu viennes à la fête de Bob, tu vas t'éclater, mon gars. On inaugure Vulcania. Une tour haute de 28 mètres trône en plein cœur des volcans d'Auvergne. Sur le socle, vous remarquerez la présence du récipient servant au combustible, d'un long réservoir et d'un deuxième récipient à l'autre extrémité. Mesdames et messieurs, le premier choubang. Ah, un choubang? Quelle honte, c'est absolument scandaleux. Un grand rêve pour son initiateur, Valéry Giscard d'Estaing, qui a souvent tourné au cauchemar. Bon, écoute, il faut que je te dise un truc. Je t'ai piqué de tabeux pour me faire des sticks plusieurs fois. Il a notamment dû composer avec les écologistes locaux. Et est-ce que je peux savoir ce que c'est que cette odeur? Oh, c'est mon parfum, cannabis pour homme. Vulcania, l'aventure de la Terre. Oh, hey, c'est quoi ton tir fumé là-dedans? Vous avez le feu au trou de balle? Viva Vulcania! Après toutes ces années à tirer sur le bédou, qui aurait dit qu'un jour le dernier truc à partir en fumée, ce serait tes fesses? Tu vas me manquer, vieux. Oui, enfin, c'est surtout Bob Marley qui nous manque, hein. Mais bon, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patient, quittons les fumées volcaniques de l'Auvergne et revenons au sein de notre bienveillant ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques Bob Marleysiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute barjot, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Yeah. Waouh, waouh. Wouh. Ouais, je t'aime bien, Bob Marley. Assieds-toi, Bob. Arrête de gigoter. Reste tranquille. Waouh, tous les cheveux que t'as. Ouais, tu peux nous aider sur l'autoroute. Quand on tombe en panne, tu te mets en triangle et tout le monde ralentit à ton signal. Détresse. Moi, j'aime bien le reggae, mais ça donne faim. Une fois, j'ai dansé le reggae à Guéret. Eh ben, ça creuse. Mais après, c'est la transnapolitaine. Ouais, Bob, c'est toi le remède à la crise. Car tu aimes t'amuser. Tu es le prophète. Sacré Bob, mon frère. Ja pour toi, jaja pour moi. Et puis, t'as eu plein d'enfants, hein? Et les garçons, t'aurais dû les appeler David. Ils auraient tous fait de la moto. T'imagines, c'était les Marley Davidson. Je suis trop con. Ils portaient des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec une herbe sur le dos. Je suis trop con. Love it.